Top chrono, sport mécanique. Que le sport mécanique va démarrer dans l'émission Top Chrono. C'est Marie qui fait le buzz puisqu'elle vient de rentrer dans les studios. On va la retrouver dans quelques minutes pour son magazine Horizon. Parlons, Jean-Yves, de ces finales du championnat de France puisqu'il y avait un petit Bédarité et qui aura une joie aussi puisque son père était, on va dire, un redoutable joueur de rugby. C'est notre ami Thibaut Bénistan qui n'a pas bien réussi son entrée du côté du Val-de-Guillou à Pernes, mais qui est toujours leader dans la catégorie junior. Juste, il faut savoir qu'il a que 14 ans et les autres en ont 17. Thibaut Bénistan qui fait un gros début de saison, hein, puisqu'il pointe souvent, très souvent aux avant-postes dans les différentes courses auxquelles il participe. Et ben voilà, ce week-end, il était à la maison. Ça lui a peut-être mis un petit peu de pression supplémentaire. Et ben malheureusement, ça ne s'est pas super bien passé. Il y a un autre local qui a brillé sur la piste de Pernes, c'est Richier, oui, dont la famille est connue du côté de Carpentras. Et le petit Richier, pareil, a fait du bon boulot, puisqu'il il pointe parmi les tout premiers sur le podium de cette manche. Oui, parce qu'on voit un petit peu le résultat et je suis en train de regarder le général Florian Richier, premier à Pernes-les-Fontaines, deuxième Armand Aubin. Arnaud Aubin, peut-être le frère de Aubin, celui qui court aux États-Unis. Et troisième, Henri Giraud. Quatrième, on retrouve Nicolas Ducourt. Et cinquième, Mathias Wilting. Le problème pour notre ami Thibaut Bénistan. Au mur, au fameux mur de Pernes, hein, à deuxième compression, eh bien, il y avait des motos qui étaient en bas. Malheureusement, il a atterri sur ces motos qui étaient au milieu de la piste. Ça l'a fait perdre pratiquement pas mal de temps puisqu'il est parti dernier de la deuxième manche. Il finira 16e avec une remontée fantastique, mais malheureusement, il ne rentrera pas dans les points. Heureusement, on va dire qu'il avait largement l'avance par rapport à la concurrence au niveau du classement et des points au classement général, pardon. Voilà, juste une chose, Xavier Borg qui brille en MX1 et en MX2, c'est Arnaud Aubin, là aussi, qui brille par sa qualité. Il y avait pratiquement toute la famille, si je regarde bien, dans ce championnat, puisque les deux frères ont brillé pour ce rendez-vous à Pernes. Voilà les images du motocross. J'aimerais remercier, bien sûr, Gisèle, qui ne nous a pas appelés. C'est pour ça que je tire les oreilles ce soir, puisqu'on les a emmenés à Fly FM, souvent très sollicités par le club de Pernes. Et Jean-Michel Roure, le président, là aussi, que je félicite quand même d'avoir fait revenir une manche du championnat de France à Pernes-les-Fontaines. Espérons que l'année prochaine, nous soyons à leur côté. C'est le petit appel que je lance. Et ce que je sais, c'est que la réussite a été totale parce qu'il y avait énormément de monde pour ce rendez-vous de ces finales du championnat de France à Pernes. La suite. Et le technicien, ce soir, il débute, il n'est pas... Top chrono, handball. C'est la dernière handball au féminin. Et puis juste avant de voir le féminin, on va voir si Marie, elle va très bien en ce lundi de Pentecôte. Ça va très bien pour la dernière. Mais tu as mené tout ce qu'il fallait parce que ça va durer. Tu sais qu'on s'arrête. Est-ce que tu as des rendez-vous pour juillet, août, septembre? Non, pas encore. Non, je ne suis pas allé aussi loin. Tu n'es pas allé aussi loin. Tu as bien fait. Revenons au handball national 3. Jean-Yves, est-ce que tu as des fois des petits résultats parmi ces rendez-vous de cette dernière journée en handball féminin? Non, je n'ai pas de résultats, Fred. Je te laisse la primeur des résultats, à moins que tu me fasses passer le journal. Mais voilà. Faire passer. Est-ce que le son en bas, les filles de Mazan, elles jouaient du côté de Cagnes, juste en bas. Voilà, on va même expliquer que juste à côté de la photo, il y a les résultats voilà. De nos filles, puisque c'est la fin de saison, tout le monde est au repos. Deux mots pour vous dire que Pernes a gagné, bien sûr, la Coupe de la Ronde d'Urance. Oui, c'est ça, face à Veden, 4 à 3. Et je suis prêt. Oui, bon, ça va. Allez, poule nationale 3 féminine, poule 8. Donc, le Bouillargues s'impose face à l'Accro sur le score de 43 à 27. Ajaccio se défait de Plan de Cuque sur le score de 29 à 26. Clermont-Salagou a battu hier sur le score de 33 à 27. Marseille-Nord s'impose sur l'étoile sur le score de 27 à 25. Grasse Bourg-de-Péage, eh bien sûr, Bourg-de-Péage est allé s'imposer à Grasse sur le score de 15 à 26. Et les filles de Mazan, de notre ami Carl Vinsonneau, sont allées s'imposer à Cagnes, comme nous l'avions annoncé, sur le score de 30 à 23, ce qui nous donne le classement final de cette poule de brassage. Bourg-de-Péage, première avec 65 points, deuxième Mazan, 55 points, et puis Plan de Cuc, 50, Clermont-Salagou, 50. Les équipes de Bourg-de-Péage et de Mazan joueront les play-offs dans 15 jours, me semble-t-il. Ouais, dans 15 jours, et on souhaite de nous ramener une Nationale 2. Pascal Vassé, Carl Vinsonneau, toute l'équipe, Julie Ricard, qui est venue dans le studio, la capitaine, et bien on leur souhaite un bon voyage du côté de Pau, et ramenez-nous une belle victoire. On sera très attentifs, même si nous, on aura pris déjà les vacances, ce sera avec les tongs, au soleil, avec peut-être le téléphone qui sonnera pour nous annoncer la belle nouvelle. Ouais, on espère. En tout cas, on va suivre le parcours des filles, même si nous serons en congé, Fred. Mais effectivement, ces filles-là peuvent aller très loin. Et on l'espère de tout cœur. En tout cas, espérons au moins qu'elles vont valider la montée en National 2. Top chrono. Rugby à 15. Allez, rugby à 15, c'était bien sûr la finale du top 14. On va y revenir deux minutes. Et Toulon qui a passé à travers cette équipe de Clermont-Ferrand. Mais que la saison a été tumultueuse pour nos amis de Toulonnais. Oui, on va en parler bien sûr, Jean-Yves, dans quelques secondes. Restons dans le rugby, puisqu'il y avait quand même ce joli challenge jeune, même si on a parlé deux minutes du top 14. Et cette belle victoire des Clermontois face à Toulon. Et il y avait un Vauclusien aussi. Chez les Clermontois. Oui, un Vauclusien, jeune pontessien, champion de France, eh oui. Puisqu'il s'agit du petit radeau. Et c'est la question que je me pose, est-ce qu'il n'est pas fort, est-ce qu'il n'a pas été deux fois champion de France avec Clermont? Je crois qu'il était dans la première fois, il n'était pas dans le groupe. Il n'était pas dans le groupe, oui. Mais ça demande d'être vérifié. Il me semble qu'il n'était pas dans le groupe. En tout cas, cette année, il y est, même s'il n'est pas rentré hier. Il a grandement participé à la saison des Clermontois, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. C'est un élément essentiel du groupe Clermontois, la doublure de Para. Radoš Alzevič, ouais, dont le frère joue cette saison à la SBC. Voilà, donc un petit coup de chapeau à Ludo qui a fait une énorme saison, qui est en partance puisqu'il a signé au Castres Olympique. La concurrence l'année prochaine ne lui aurait sûrement pas permis de jouer, puisque les Clermontois se sont énormément renforcés et ont recruté un international écossais, me semble-t-il. Tu es un petit peu plus au courant, c'est vrai que je me suis pas penché sur le sujet. Donc Ludo a fait le choix de s'émanciper et de partir. Sûrement à contre-cœur d'ailleurs du côté de Castres. Mais voilà. Castres, Cocotte restera pas à Castres cette année, si? Si, mais Cocotte est en fin de carrière et, ouais. et Ludo est à la fleur de l'âge. Alors on l'aime, on l'aime pas. Il n'a pas que des fans du côté de Clermont, Ludo. C'est dommage parce qu'à chaque fois qu'il est là, même s'il arrive de faire une petite connerie de temps en temps, mais qu'il n'en fait pas, mais toujours est-il qu'à chaque fois qu'il est là, on peut être certain qu'il va mouiller le maillot et qu'il va s'investir à 200%. Et on n'est pas le deuxième demi de mêlée d'un club comme Clermont si on n'a pas quelques qualités, si on n'a pas quelques qualités techniques et mentales. Et je pense que c'est une bonne pioche pour les castrés. Et en tous les cas, il a un joli titre, hein. Il a touché le morceau de bois et il aura à vie celui-là. Ouais, voilà, c'est un truc que personne ne pourra lui enlever. Je crois que, à bien y réfléchir, il avait été champion de France avec avec Montferrand, mais en espoir. D'accord. Revenons un petit peu à ce que, on va dire, c'est la fin de tous les championnats, c'est la fin du rugby en Vaucluse pour cette pause, on va dire, estivale. On retrouvera tout le monde, bien sûr, en septembre. Et la saison 2016-2017 se termine par ce beau challenge jeune. Ouais, le challenge chevrier. Ouais, le challenge chevrier du nom de l'ancien patron du comité de province, exact. Gilbert Chevrier. Ouais. Voilà, quasiment 1500 gamins sur les terrains de la Souville. C'est un joli tournoi. D'après moi, ça fait un petit peu doublon avec le Jean Rua. Exactement, du côté du côté de Cavaillon, qui a le Jean Rua, qui a une ancienneté, qui a une vraie légitimité. C'est beau de vouloir mettre un nouveau challenge en place, et bravo au comité de province. Voilà, c'est les moins de 12. C'est pas mal ce qu'ils arrivent à faire. Et puis, ça a aussi pour mérite d'occuper les gamins, parce que on en a déjà parlé aussi, mais les championnats s'arrêtent super tôt. Et c'est bien de continuer à mettre les gamins sous pression. Et puis un gamin de 12 ans, et bien, il a envie de jouer au ballon. Donc si on lui en offre l'opportunité. Est-ce qu'on a un vainqueur? Je crois qu'il y a dans ces challenges, Fred, peu importe qui est le vainqueur. Honnêtement, peu importe qui est le vainqueur. Là, tu me prends de court et ma réponse m'arrange bien finalement, mais peu importe quel est le vainqueur, surtout dans ces catégories-là. Allez, rendez-vous en septembre pour bien sûr les news peut-être tout au long de l'été sur notre page Facebook Top Chrono pour savoir ce qui va bouger dans les clubs de rugby. On essaiera d'alimenter effectivement la page Facebook de Top Chrono parce que l'été promet d'être bouillant. Sur le point de vue mercato, ouais. Des départs, des arrivées un petit peu dans tous les clubs de la région, les clubs qui sont obligés de se renforcer quasiment tous, on en a parlé, hein, nouveau format de championnat, deux équipes supplémentaires dans les championnats, des qualifiés en nombre moindre pour la saison prochaine, donc forcément les équipes qui voudront jouer un rôle important dans ces championnats, que ce soit en Fédéral 2 ou en Fédéral 3, vont être obligés de se renforcer sous peine de passer une saison un petit peu galère. Et puis j'aimerais parler aussi du football, parce que c'est encore du football. C'est vrai que les trophées du foot n'ont pas eu lieu cette année. C'est triste, parce que problème financier encore une fois. C'est dommage, c'était une belle initiative de Kader Ferraoui. Et malheureusement, Kader Nasri, pardon. Et malheureusement, ça n'aura pas lieu pour l'instant. Espérons que cette belle initiative qui est donnée beaucoup d'ampleur pour le foot soit à nouveau à l'honneur dès la saison prochaine. Ouais, les budgets sont revus à la baisse, les budgets partenaires, sponsoring, etc. sont souvent revus à la baisse dans tous les dans toutes les entreprises. Oh, ah oui, on va revenir, on va juste couper la musique parce que c'est la dernière ce soir. On revient au SAP Avignon. Il y a eu le divorce a été prononcé. Sorg est retourné dans sa salle et Avignon est redescendu à Moretti. Espérons qu'ils aient quelqu'un pour avoir un ballon de basket. Quelle surprise que ce divorce soit entériné, prononcé, entériné, validé. Il n'y aura pas besoin d'aller voir le juge là. Ils se sont déjà tous entretués. Trois ans de perdu, énormément d'argent gaspillé. Un président qui est à la tête du SAP depuis 3 ans, qui a accumulé... Allez, maintenant on va le dire, on va se lâcher, tant pis. Connerie sur connerie. Mais... Gilles Martin, qui a été un président pitoyable. Alors ce pauvre Martin, il a deux visages, celui-là qui est en train de décrire, et je suis tout à fait d'accord. Et la deuxième chose, c'est la faute, elle est à lui sans être à lui. Lui, il a voulu le bébé, c'est sûr, on y a donné, malheureusement, il a noyé l'enfant. Mais le problème, c'est que Sorg aurait dû être la mainmise de ce club. Sauf que les gens d'Avignon se sont achetés un club, se sont achetés un engagement dans un championnat de National 1. C'est l'erreur d'essorguer d'avoir pensé que l'aide pourrait venir d'Avignon. Et l'erreur d'Avignon, c'est d'avoir pensé qu'on pourrait, avec de l'argent, s'attirer l'identité d'un club. Ça peut pas marcher, on en a déjà parlé, alors je vais te le refaire. La mariée, le machin, le truc, ça peut pas fonctionner. Donc là, les amants ont divorcé, tant mieux. C'est la mariée qui a décidé de quitter le domicile conjugal, hein, puisque c'est les Sorguets qui ont choisi de mettre fin et de dénoncer l'accord, le mariage auprès des instances fédérales. Tant mieux. Il y a un projet qui se met en place du côté de Sorgues. Ça va être beaucoup plus compliqué du côté d'Avignon, puisque l'engagement en National 2 appartient à Sorgues. Oui, donc fait, les normal. Avignonnais pontessiens vont être obligés de repartir sur un nouveau cycle, probablement en National 3, très vraisemblablement en régional. En régional, oui. Donc, on continuera, moi, à titre personnel, à supporter et à aller régulièrement du côté de la plaine sportive. C'est clair. Surtout pour le retour d'un DAO. Alors, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a plein de pistes qui sont évoquées. Bien sûr, une des pistes, mais à chaque fois qu'il se passe un truc à Sorgue, basket, forcément une des pistes mène toujours à Stéphane, oui. Dao. Mais il y a plein d'autres pistes. Mais tu sais, il va falloir construire un budget, il va falloir aller chercher des joueurs, il va falloir arriver à garder quelques-uns des joueurs qui étaient au SAP cette année. Ça va être compliqué. Moi, je pense que les Sorgues sont sur la bonne voie et qu'ils ont bien fait de dénoncer ce mariage qui était un mariage arrangé et qui ne rendait personne heureux. Eh bien, tant mieux, parce que l'été sera chaud. Là, le bronzage nous rendra radieux et nous parlerons bien sûr dès la rentrée de ce qui s'est passé pendant l'été. Espérons que les cigales siffleront très fortes du côté de la plaine. Ouais, il n'y a aucun doute parce qu'il y a une vraie identité, Fred, tu le sais aussi bien que moi si ce n'est mieux, mais il y a une vraie identité basket à Sorgue. La Nationale 1, c'est Sorgue, ce n'est pas Avignon, et l'esprit est à Sorgue. Ça y est, cette fois-ci, c'est sûr, c'était la dernière, on reviendra bien sûr sur le SAP, mais restons avec Marie, avec un sourire comme ça, je peux vous assurer... Elle peut tout faire, elle va vous emmener de partout, vous allez voir. Allons-y Marie, pour ce beau magazine Horizon, prenez vos stylos, tendez l'oreille, vous allez voir ce week-end, vous n'allez pas vous ennuyer du tout. Alors, moi je vais vous proposer deux courses. La première, c'est l'emblématique course hors stade Extreme Ventoux Trail, avec un départ du Mont-Serein et une arrivée à la station du Mont-Serein. 100% de chemin, avec 1,85 km et un départ à 4h30 du matin pour les matinaux. Et ce sera bien sûr l'occasion pour eux de profiter du lever du jour au premier passage au sommet du Mont Ventoux. Il y aura également un 10 km course féminine avec un départ à 9h30, un 42 km avec un départ à 8h30 et enfin un 20 km avec un départ également à 8h30. Ensuite, j'aurai toujours le samedi 10 juin, j'aurai la première édition du 15 km d'Agroparc à Montfavet à vous proposer. Ce sera une course qui partira à 19h le soir, avec deux épreuves, le 3 x 5000 mètres en relais ou alors un 15 km en solo. Et ensuite, je vais terminer avec deux rando-bistrots, bien sûr, les habituels rando-bistrots. Ça sera du côté des Baumettes dans le Vaucluse avec les délices fromagers et découvertes insolites le long du Calavon. Ce sera samedi 10 juin toujours. À milieu d'après-midi, nous retrouverons Olivier, notre guide, pour un court trajet en voiture en direction du Mas Allègre. Ici, 50 chèvres pâturent dans ce petit coin de paradis dont sont tombées amoureuses la bien nommée Allegria et sa fille Patricia il y a plus de 30 ans. Cette passion se transmet dans leur fromage aux douces saveurs de foin, de noisettes et de fleurs des champs dont elles ont le secret. Vraiment une bonne fée. Direction ensuite l'imprévu à pied, cette fois la découverte d'un patrimoine insolite, des bories, des villages enfouis, des habitats troglodytes et une voie romaine. Le soir, les pieds sous la table de Sylvie, nous dégustons les fromages du Mas Allègre, délicieusement accompagnés de produits de saison. Après dîner, nous longerons le Calavon et le conservatoire des terrasses de culture où les hommes et le patrimoine géologique façonnent le paysage. Toujours le samedi 10 juin, si vous préférez aller du côté de Crillon-le-Brave, ce sera la découverte de la permaculture à la croisée des chemins au pied du Mont Ventoux. Du pont de Crillon, nous retrouvons nos deux guides de la journée, le mythique Mont Ventoux, notre point de mire, et Christine, notre guide passionnée. À travers la plaine, nous cheminerons jusqu'à Crillon-le-Brave, entre forêt provençale et ancienne carrière d'ocre à ciel ouvert. Couleurs éclatantes et paysages insolites garantis. Parvenu au village, c'est d'abord le capitaine Crillon, puis François, capitaine du bistrot de pays, le Saint-Romain, qui nous accueillera pour un déjeuner sous le signe de Dame Nature. L'après-midi, une balade digestive nous mènera à la rencontre d'une autre Christine au jardin du Brave. Ici, fruits, légumes et plantes aromatiques poussent à foison dans un apparent bazar végétal. Pourtant, il est savamment organisé. C'est ce que notre hôte nous expliquera avec les principes simples de la permaculture. Une méthode qui, à la croisée des chemins, optimise l'espace et la terre dans le respect de l'homme et de la nature. Au menu, vous aurez du croustillant de chèvre sur l'île de verdure, la bourride de François, la faisselle de chèvre et son miel de pays, et le vin et le café. Et voilà, et nous aurons terminé ce samedi. Eh ben, c'est magnifique. Chaque fois que tu viens dans ces studios avec un programme comme ça, j'ai du mal à terminer l'émission parce que tu nous fais saliver. Et c'est vrai que ces rendez-vous bistrot, ces promenades, comme on dit, culinaires. Vous en aurez tout le long de l'été. Vous allez sur le site Rando Bistrot et vous verrez, vous avez de quoi faire pendant tout cet été. Merci Marie, tu es formidable. On espère te retrouver dès septembre. À bientôt. Et puis tu reviendras bien sûr avec tout un programme très alléchant. Juste avant de terminer, puisqu'elle a parlé tout à l'heure de course à pied, j'aimerais dire deux mots sur la Montilienne qui s'est déroulée à Monteux. Il y a eu bien sûr de beaux succès avec El Diabouaba et surtout El Ouazizi qui reste, on va dire, l'emblématique au coureur sur 12 km puisque lui, il a fini deuxième de cette belle course. On notera bien sûr les vainqueurs de la course des 5 km, Marion Vandenbouck et Julien Théobald, qui ont été félicités par Christian Gros, le maire de Monteux, comme on connaît l'attachement qu'il a pour le sport. Christian, eh bien, je lui souhaite de bonnes vacances. Cette année, il ne nous a pas rendu visite, mais on espère le retrouver la saison prochaine, car c'est toujours un plaisir d'avoir le maire de Monteux avec nous dans les studios. Voilà pour le petit mot. Focus. Ce soir dans Focus, on reçoit bien sûr le Badminton Club des Sept Rivières. On va dire que cette discipline grandit de jour en jour du côté de Bédaride. Et surtout, Dimitri, son président, est à la fois entraîneur et c'est lui qui dirige de main de maître ce club qui ne fait que grandir. Une belle initiative va arriver dans quelques jours et c'est pour ça qu'il est notre invité ce soir pour nous parler et nous faire découvrir tout ce qui va se dérouler et où on en est un petit peu de ce club qui grandit de plus en plus. Bonsoir. Bonsoir, premièrement, oui. Dimitri, alors ? Bon, ben, ça y est, le club termine sa première année, une année riche en événements, riche en résultats. Le club qui, cette année, a fini par compter 70 adhérents, qui l'année prochaine risque de voir son nombre pas loin d'être multiplié par deux. Aujourd'hui, ce club est affilié à la fédération. Le club est affilié à la fédération et a plein d'objectifs pour l'année prochaine, dont d'organiser, commencer à organiser ses premières compétitions officielles. Maintenant qu'on connaît un peu la machine, à nous de nous y lancer. C'est vrai que ta belle initiative de venir le samedi matin pour découvrir, pour pouvoir s'initier à un sport qui est mal connu, mais tout compte fait, qui est très, on va dire, pro et qui demande beaucoup de conditions physiques et athlétiques, bien si on croit que c'est un sport de plage, quoi, au départ. Voilà, on a l'image du badminton que l'on fait à la plage, mais c'est un sport très physique, un sport très tactique aussi. Ouais, oui. On prend du plaisir à ce jeu très rapidement, on joue à ce jeu très facilement, on progresse très vite, donc tout le monde accroche assez rapidement et du coup la mayonnaise a bien pris à Bédaride qui était en manque de cette discipline et le département aussi était en manque de cette discipline parce qu'on est seulement 12 clubs dans le département actuellement. Donc c'est en train de se développer, le nombre d'adhérents ne cesse d'augmenter, le nombre de clubs est en train de se créer de plus en plus. Donc c'est vraiment un sport en devenir. Ouais, combien de clubs dans le Vaucluse aujourd'hui ? Dans le Vaucluse, 12, mais deux sont en nouveau. De nouveaux affiliés seront présents l'année prochaine, donc ça commence à grandir. Est-ce que dans le bassin du Grand Avignon, vous êtes combien aujourd'hui ? Dans le Grand Avignon, on est 6 clubs, c'est une des plus grosses régions avec Avignon, Pernes, Morières, Bédaride, Orange. C'est le bassin principal. Donc il y a de quoi faire, il y a de quoi jouer. Alors oui, il y a de quoi faire, il y a de quoi jouer. Tu viens avec une belle initiative, tu vas nous expliquer. Que va se dérouler dans les prochains jours à Bédaride ? Alors, le club a postulé, a fait un projet en début d'année suite à un appel d'offres du ministère de la Jeunesse et des Sports pour organiser un événement à la candidature de Paris pour l'obtention des Jeux Olympiques en 2024. Ces derniers jours, on a reçu la réponse du ministère comme quoi notre projet était viable et était donc retenu. Donc le 23 juin, journée d'action nationale, on va organiser une grande journée avec le milieu scolaire et avec le milieu fédéral pour justement cette grande journée, donc du badminton toute la journée pour promouvoir cette candidature au JO. Donc le vendredi 23, Bédaride au gymnase sera site olympique d'un jour. Donc on attend tous les volontaires, tous les gens qui veulent découvrir le badminton, tous ceux qui veulent se rendre compte de ce que c'est que le badminton. Il y aura un très beau programme, il y aura un village olympique, il y aura des matchs d'exhibition avec des joueurs de haut niveau, du para-badminton parce que l'handibad va être sport olympique aux prochaines Olympiades. Donc, et comme aujourd'hui on est à 100 jours pile de la révélation du nom de la ville qui recevra les Jeux 2024, on espère tous que ce sera pour Paris. Ouais, quand on connaît bien, on connaît ton engagement, quand tu fais quelque chose, tu essaies de le faire à fond. Voilà. Comment tu as pu avoir cette imagination d'être retenu par Paris pour 2024, car je pense que toutes les candidatures n'ont pas été retenues. C'est quoi qu'il y a eu dans la balance? C'est ton engouement, ton explication, On a la chance à la fédération d'avoir un agent de développement, Laurent Garnier, qui est quelqu'un de très, très professionnel et qui suit de très près tout ce genre de projet. Quand le projet est sorti, il m'a tout de suite contacté parce qu'il m'a dit « ça c'est un projet pour toi ». Un projet où il va falloir mouiller le maillot pour l'avoir. Et je pense que vu la dynamique du club, c'est quelque chose qui serait possible, même si ça faisait que même pas un an que le club existait. Donc on a dit, allez, banco, on montre un dossier. Et là, derrière, c'est énormément de travail, mais on tient aussi à remercier tous ceux qui nous ont soutenus. Les municipalités, Bédarit qui nous a fait de soutien, Courthézon, Châteauneuf-du-Pape, tous les établissements scolaires. Oui, parce que ce gymnase appartient à l'intercommunalité, voilà. Mais très réduite, on va dire, attention. Voilà, intercommunalité réduite, Châteauneuf, Bédarit, Courthézon. Exact. Et ces trois villes nous ont tout de suite suivis dans le projet, malgré notre jeune existence. Nous ont dit, d'accord, allez-y, banco, on est là pour vous soutenir, s'il y a besoin d'aide, on sera là. Et les partenaires nationaux nous ont suivis. On pense à une grande marque, je ne vais pas citer, mais qui est notre partenaire club. Et, non, mais tu peux le dire. Hein. Donc Decathlon, qui nous a fortement aidés pour cette candidature. Parce que pour répondre à ce genre de candidature, il faut avoir des partenaires solides. Il faut. Et eux aussi étaient derrière nous. Donc, sur les centaines de dossiers qui ont été déposés dans la région, on est sorti quand même parmi les 5 meilleurs dossiers. Alors on sait aussi à Bédarit, avec ce gymnase qui est intercommunal, où c'est qu'il y a beaucoup d'autres associations qui se servent de ce site. Comment tu vas t'organiser? Comment vous allez pouvoir vous organiser pour pouvoir faire un village olympique? Comment les choses et les bénévoles? Est-ce que tu vas avoir beaucoup de monde derrière toi? Dis-nous un petit peu comment les choses vont être articulées pour pouvoir promouvoir une journée aussi fantastique. Alors oui, il va y avoir beaucoup de bénévoles autour de nous. Il va y avoir les écoles qui vont nous aider. L'intercommunalité nous laisse le gymnase à 100% cette journée. Tout à l'intérieur, extérieur également, en fonction de la météo, bien sûr, qu'on espère clémente. Donc on a travaillé avec les écoles. Donc l'école primaire de Courthézon avait un projet avec les volants usagés, de leur donner une seconde vie. Ils ont fait une œuvre qu'on amènera comme un peu notre flamme olympique à cette journée-là. Donc ça va être le début de cette journée. Toute la matinée et les débuts d'après-midi seront réservés aux scolaires qui vont se... Et les raquettes. Hein, les raquettes seront prêtées par le club, par le collège, par les collèges alentours, par les clubs alentours. Il faudra à peu près une cinquantaine de raquettes. Ouais. Il faudra des terrains, il faudra du matériel, il faudra des volants. Il faudra des encadrants, mais tout ça est prévu. Tout ce début d'après-midi sera aussi pour le collège organiser un tournoi olympique. Il y aura un village olympique, ce sera certainement tenu par le comité olympique départemental de Vaucluse. Il animera ce village par des questionnaires, par des quiz olympiques, et faire découvrir aussi aux enfants les valeurs de l'olympisme. D'accord. Ils se rendent compte un peu. On va enchaîner avec des matchs d'exhibition des joueurs de haut niveau d'Aix-en-Provence qui sont une des meilleures équipes de France. On a un grand reportage qui va être fait avec des joueurs de haut niveau, dont Peter Gadeau. Bien sûr, il y aura nos amis de la télé, j'imagine. Voilà, on essaie d'avoir les amis de la télé de France 3 Vaucluse qui devraient essayer de couvrir l'événement. Donc, je laisse un petit appel à... Et il me reviendra son nom parce que c'est un ami. J'allais presque le sortir à l'antenne. Philippe Fabregue, j'espère qu'il m'écoute ce soir. C'est lui le responsable des FR3. Voilà, s'il peut être là, ça prendre sympa. Contact avec nous, ça serait sympa. Parce que c'est vraiment, ce sera qu'une journée. On sera olympique, Bédarit, une seule journée. Donc voilà, l'œil sera sur Bédarit vendredi 23 juin. Alors l'organisation, bien sûr, les terrains. Parce que bien souvent, on parle de badminton, on voit bien sûr le volant, la raquette, le filet, mais au sol, au sol, matérialiser combien de distance il y a entre les deux Alors, parties. Alors, les terrains sont des terrains de 6,40 m par 13,70 m. Ah, c'est carrément grand. Ouais, oui, c'est quand même grand. Quand on est dessus, on se rend compte qu'il y a de la surface à couvrir. On aura 7 terrains à disposition. Dans le gymnase, on arrive à faire 7 terrains. On fera aussi des mini-terrains pour les tout-petits, pour faire de l'initiation pour les petits qui vont venir découvrir ça. Et toute la journée, on espère peut-être même mettre un terrain extérieur pour pouvoir faire découvrir le badminton au plus de monde possible. Quoi. Allez, c'est la dernière. Alors, on va se prendre une page musicale puisqu'on a du, on a notre animateur créole tout dimanche matin. C'est lui qui nous emmène un petit peu de partout à la Réunion, du côté de la Guadeloupe, de la Martinique et même de bien plus loin, Tahiti. Eh bien, on va se prendre une pause musicale dans cette émission, c'est la dernière. Et puis, on reviendra avec Dimitri, on parlera badminton et surtout de cette belle initiative pour les Jeux de 2024 à Paris. Ça se passe à Bédarit, vous allez voir. On revient dans une minute. Fly FM. Fly FM. Le meilleur des hits. Call me a thief. There's been a robbery. I live with a heart torn apart. Made no apologies. I've been living in the darkness. Shadows of my apartment. Heartless. Taking love just to spill it on a parchment. Next page and I'm out again. I've been living in the nightlife. Lips hit you like a drive-by. Frostbite. Ice cold. I mean to cut you like a sharp knife. Next page and I'm out again. Skin on my skin. What a wonderful sin. Take your breath, but you're asking for more. The chip on my finger is tracing your figure. I say goodnight and walk out the door. Call me a thief. There's been a robbery. I live with a heart torn apart. Made no apologies. Just call me a thief. She was on top of me. Then I live with a heart broken and scarred. Made no apologies. It can be so hollow. The echoes follow, follow me like the fears I swallow, and drown in all my mistakes. All I know is if my skin bled, like the ink drip from my pen, my bed would be drenched in a scarlet rose red, and drown in all my mistakes. Skin on my skin, what a wonderful sin. Take your breath, but you're asking. Chip on my finger is tracing your figure. I say goodnight and walk out the door. Call me a thief. There's been a robbery. I live with a heart torn apart. Made no apologies. Just call me a thief. She was on top of me. Then I live with a heart broken and scarred. Made no apologies. Bien sûr, une pause musicale dans cette dernière de Top Chrono ce soir. Et avec nous, Dimitri, on parle bien sûr du badminton, on parle de ces Jeux Olympiques Paris 2024. Vraiment une initiative fantastique organisée par le club de badminton des Sept Rivières. Dimitri, en off, il y a quelques secondes, on parlait un petit peu de toutes les dotations et de ce qu'il va y avoir. Il y a cette affiche qui est vraiment sublime. Hein. On l'a regardée, on était en train un petit peu de la visionner il y a quelques secondes. Hein. Paris 2027, le volant des Sept Rivières, ça a été fait par un graphiste, tu m'expliquais, le 23 juin. ça veut dire dans une quinzaine de jours. Hein. C'est pas ce week-end, c'est le week-end qui va suivre. Puisque ce week-end, ce sera le 10, le 17, ce sera le 23, ce sera le dernier week-end de juin. Vraiment fantastique. Dis-nous un petit peu tout ce qu'il va y avoir de bon à venir faire du badminton, mais aussi on va pouvoir acquérir peut-être un petit souvenir de cette fantastique journée grâce à tous les dons, toutes les personnes qui sont mobilisées derrière toi. Oui, voilà, cette journée sera riche en événements, mais sera aussi riche en petits cadeaux. Il y a des souvenirs à venir chercher. Les intercommunalités nous ont aidés sur ce projet, notre partenaire Decathlon nous a aidés sur ce projet, la fédération nous a aidés. Donc il y aura des t-shirts à l'effigie des JO de 2024, il y aura les petits verres gobelets éco-responsables parce que le badminton est une discipline éco-responsable, donc pas de gobelets plastiques, que du gobelet réutilisable, qui seront également aussi à l'effigie des JO et à l'effigie de cette association, de cette action Ensemble pour Paris 2024. Les t-shirts, les bracelets, les petits goodies, les casquettes, les petits sacs, il y aura tout ce qu'il faut pour cette journée. Il y aura des quiz ouverts à tous, pas besoin d'être sportif, juste venir répondre aux questions, vous répondez bien, c'est gagné. Donc venez découvrir l'olympisme le 23 juin, quoi. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Paris 2024, on finance, aide un petit peu quand tu es sélectionné, comme tu l'as été avec le club de Bellaride, on vous aide financièrement un petit peu à valoriser votre candidature. Oui, le ministère nous aide en fonction du projet à la hauteur du budget prévu. Nous, pour notre action, on a été financé à hauteur de 2000 euros, donc on a obtenu une subvention de 2000 euros. Donc on peut faire de belles choses avec ça. On est un club tout récent, donc ça nous aide bien à organiser cette journée parce que les scolaires, on va les faire venir, c'est les transports scolaires. Qu'il faut financer, les t-shirts, les petits cadeaux, les volants, parce que les volants qui vont être utilisés, les enfants vont découvrir le vrai volant de badminton. On va les faire jouer en volant plume, donc c'est un produit qui, une fois utilisé, n'est plus réutilisable, donc ça a un coût. Les raquettes, les cordages, non, il y a... Heureusement qu'on est subventionné par l'État pour cette... Revenons sur cette belle organisation, le fléchage. Le panneautage, les parkings. Aujourd'hui, on connaît les problèmes de sécurité suite à ce qui s'est passé en Angleterre. Je pense que tu ne vas pas être insensible, toi aussi, voilà, dans cette journée. Toute cette journée-là, c'est avec la police municipale qu'il faut gérer, savoir ce qu'on est autorisé, où est-ce qu'on peut garer les gens sans le moindre problème. Avec, comme vous dites, les attentats qu'il y a, c'est délicat en ce moment. Il faut faire attention, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas faire rentrer et se garer n'importe où, d'autant plus que c'est avec le milieu scolaire, donc il y aura une vigilance autour de ça et ça a un coût également, quoi. Aujourd'hui tu es sur la brèche, tu as déjà eu une première approche de tout ça avec les élus? Non, la réunion a lieu demain, donc il faut qu'on voit tout ce qui nous sera autorisé de faire au niveau de la réception du public, parce que ce ne sera pas un public sportif affilié à la fédération, parce que même au niveau de l'assurance, il faut prévoir, donc là c'est la fédération qui couvre cet événement. Tout ça, c'est la partie obscure du projet, c'est la partie un peu moins gaie. Et puis, tu connais Monique, au studio? Eh bien, elle veut toujours de la pub. Si vous ne la connaissez pas, vous connaissez au moins son nom.